Nous avançons à grands pas et ce qui se passe, le déroulement de cette affaire conforte nos avancées. Premièrement, c'est la victoire de notre camp. Il n'y a pas les Africains, ils ne sont pas unis. On va chercher à réunir tous les Africains là. Il y en a, le monde va s'arrêter, ils seront Africains seulement de pour, il ne faut pas rêver. Mais notre camp se consolide et avance. Dans notre stratégie panafricaniste, il y a quelques pays moteurs qui sont visibles et d'autres pays qui ne sont pas visibles, mais dont nous connaissons qui sont dans notre camp à cause de leur situation particulière. Nous gérons des contraintes avec ces pays-là. Donc le président Assimi Gota est un point avancé du panafricanisme du 21e siècle qui avance. Et quand il remporte une victoire comme ça, c'est notre victoire. Afrique Média, le monde, c'est nous.